je réfléchis et j'ai envie de tout abandonner. Dans ma tête, une petite voix me dit tu ne vas pas y arriver. Tout se mélange dans mon esprit et dans mes pensées. La peur m'envahit, je me réfugie dans mes tranchées. Je suis comme étranger, je ne sais plus quoi faire. Il ne me reste plus qu'à trancher et choisir la bonne paire. D'une part, les choses qui me détruisent et m'anéantissent. D'autre, la sortie de cette hantise, dire adieu au vice. Mais ce n'est pas facile, non, ce n'est pas simple. Même si on m'a toujours appris à être intègre et humble. Mais dans mon vécu, j'ai pris de mauvaises habitudes. J'ai été têtu, j'ai même lâché les études. Je ne reconnaissais plus, c'est comme si je n'étais plus moi-même. J'ai pris la tangente comme un oiseau perdant ses ailes. J'ai alors crié à l'aide parce que j'étais à bout. Je me suis levé, mais dit, regarde à vous. C'est vrai que la vie a ses difficultés. C'est vrai même que la vie a ses difficultés. Mais tu peux les surmonter, suffit d'avoir la foi et de regarder devant toi. Ya ya ya ya ya, ya ya ya ya ya. Message que quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Me voilà tout et refait pour un nouveau départ. Tout ce qui m'entoure est ma savane, je suis comme un guépard. J'ai retrouvé la joie de vivre et j'en suis ivre. Oui, je suis libre et délivré. Même si parfois je me rappelle que tout n'est pas rose, je me remémore mon parcours et ma métamorphose. Mais je ne désespère pas, je lutte dans ce combat. Je ne veux plus repasser par là, j'aime ma vie comme une perle. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et hey Younes, mets-nous un petit solo s'il te plaît. Ah merci, ça fait plaisir ça. Ah c'est une vraie guitare. Ah donc voilà, le message est tout simple. Donc si t'es posé chez toi et que t'écoutes ce son, c'est un son d'encouragement. Donc c'est vrai que dans la vie, parfois il y a des hauts et des bas. Parfois on passe par des moments difficiles. Mais accroche-toi et va jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne te morfons pas sur toi. Donne tout et va jusqu'au bout. Jusqu'au bout.